Imaginez que vous êtes dans le cabinet du médecin, le docteur entre et vous remarquez qu'il a les cheveux verts. Impossible de ne pas le voir. Il s'agit en fait du médecin de garde, et alors que vous ouvrez la bouche pour qu'il vous ausculte, il reçoit un appel d'urgence. Son beeper sonne et vous entendez un long bip. Exactement. Qu'entendez-vous quand son beeper sonne? Bip. C'est ça. Un long et haut bip. Un son uniforme. Le docteur a les cheveux verts, mais voilà que vous découvrez une autre surprise. Vous levez votre pouce et vous apercevez qu'il est devenu vert lui aussi. Alors maintenant, formez un point avec votre main, sortez votre pouce en laissant les autres doigts serrés, comme si vous faisiez de l'autostop, mais avec le point couché. Alors voilà ce à quoi nous allons associer le ton vert long et plat, à un pouce vert couché. Quelle que soit la prononciation du mot, s'il s'agit de ce ton du pouce vert, ce sera un son haut qui se prolonge. Bip. La. Le la chanté. A. Ou encore O. Alors maintenant, prenez votre pouce et servez-vous-en pour représenter ce son. Un son haut et uniforme qui dure longtemps. La. La. A. A. O. O. La prononciation est différente, mais le ton reste identique. On peut changer de mot tout en gardant le même ton. Alors voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur les tons. Il s'agit simplement d'appliquer un ton à un mot, indépendamment de sa prononciation. C'est ce qui rend le chinois si particulier. Maintenant, je vous propose d'utiliser le ton du pouce vert avec quelques mots français. Nous allons énoncer différents mots, et tout ce que nous ferons, c'est appliquer le ton à ces mots. Alors la prononciation des mots change, mais le ton reste le même. Nous allons donc utiliser le ton du pouce vert, un ton haut et uniforme qui se prolonge. Alors, comment direz-vous « vu » avec le ton du pouce vert? Vu. Et « chat »? Chat. Et « bar »? Bar. Bip. Hein? Il s'étire encore et encore le pouce vert. Comme le son d'un beeper, c'est un son entêtant. Et si vous êtes capable d'imiter la sonnerie d'un beeper, alors vous pouvez parfaitement apprendre le chinois. En chinois, milieu se dit... Zhong. Pouce vert couché. Zhong. Comme notre ami Jumbo qui joue du djembe. Zhong. Alors, comment dites-vous milieu en chinois? Zhong. Alors, quand vous prononcez un mot, utilisez vos doigts comme nous vous indiquons. Hein, ça vous aidera à l'ancrer dans votre mémoire. Alors, dites-moi le mot chinois pour milieu en utilisant votre pouce vert. Rappelez-vous que Jumbo aime jouer du djembe. Donc, le mot milieu se dit... Zhong.